Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Merci d'être des nôtres dans ce débat politique à travers l'émission Mosaïque. À travers ce débat, nous allons échanger sur la situation des libertés politiques. Le Burundi reconnaît l'existence et le fonctionnement des partis politiques dans différents textes de loi, dont la Constitution. Cette reconnaissance légale permet aux partis de travailler en toute liberté dans la limite de la loi. Cependant, certains partis politiques, plus spécialement ceux qui ne sont pas de la mouvance présidentielle, se plaignent de la restriction de leur liberté politique. Il s'agit notamment du Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, un parti qui se caractérise par des dissensions entre les membres au niveau du sommet de ce parti. Il y a quelques jours, le président du parti Codebou, ex-Frodebou Nyakuri Iragi Gyandadaye, a été incarcéré puis libéré. Il était accusé d'avoir tenu des propos de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Des membres d'autres partis s'étaient levés pour dénoncer une incarcération qu'ils qualifiaient d'injuste. Ici, il y a lieu de se demander aujourd'hui si les partis politiques sont libres de travailler sans restriction, sauf celles reconnues par la loi. Certains partis ne seraient-ils favorisés plus que d'autres? Est-ce que les partis ne peuvent pas dépasser leurs limites en agissant en dehors de la loi au nom de la liberté politique? Quels sont les défis pour l'exercice des libertés politiques reconnues aux partis? Qu'est-ce qui devrait être fait pour garantir les libertés politiques des partis et participer activement dans la vie publique du pays? Voici les quelques interrogations qui ont motivé le débat de Mosaïque d'aujourd'hui. La mise en onde de cette émission est assurée par Séraphine Hakizimana. Jérôme Ndayishimiye est au service technique de la télévision. À la réalisation de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, Jérôme Nyonzima. Et au micro, Pacifique Chubahiro à la présentation. Dans le débat Mosaïque d'aujourd'hui, Mosaïque. Dans le débat Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons accueillir dans le studio de la radio-télévision Isanganiro quatre invités. Nous accueillons M. Théophile Ndaloufatiye, directeur général au ministère de l'Intérieur, la Sécurité publique et le développement communautaire. Il est en charge des organisations non gouvernementales et la promotion des libertés politiques. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Nous accueillons également Honorable Pamphile Maraïka. Il représente le parti Congrès national pour la liberté, CNL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer ce qui se trouve ici au plateau et on salue aussi ce qui se trouve à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. À notre invité, c'est Honorable Jean-Dodier Moutabazi, il est président du parti Radebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour aussi, monsieur le journaliste. Je saisis l'occasion pour saluer mes collègues avec lesquels nous sommes en train d'animer cette émission. Et je salue aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous accueillons dans ce studio de la radio-télévision Isanganiro, M. Rémi Avialimana. Il est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont autour de la table, mais aussi ceux qui nous suivent. Merci. Sans tarder, je m'adresse au directeur général. Les partis politiques sont-ils libres aujourd'hui de travailler sur l'ensemble du territoire burundais et de façon vraiment libre? Merci, monsieur le journaliste. Avant que je ne réponde à la question, je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir invités pour partager cette émission Mosaïque d'aujourd'hui avec un sujet aussi intéressant et d'actualité pour ceux qui nous écoutent de près ou de loin, pour ceux avec qui nous sommes ensemble pour donner nos avis et considérations par rapport au sujet. Et donc, nous parlons de la liberté politique aujourd'hui. La liberté politique est une réalité actuellement et comme il a toujours été. En effet, plusieurs indicateurs sous-tendent notre idée, notre assertion. D'abord, les partis politiques organisent actuellement les réunions, les congrès, les rassemblements des militants, comme bon leur semble. Vous vous souviendrez qu'il y a des partis politiques qui récemment ont organisé des congrès pour ajuster leur cadre légal, les statuts et les règlements d'ordre de l'intérieur par rapport à la loi numéro 1/05 du 16 mars 2023 relatif au découpage administratif. Et dans certains cas, les partis politiques se réunissent pour pour célébrer les anniversaires de leur création. Les partis politiques se réunissent dans les différents cadres de concertation, notamment au niveau des formes des partis politiques et même au niveau du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Nous organisons des rencontres avec les partis politiques où ils émettent leurs idées librement. C'est un signe éloquent que la liberté politique est une réalité aujourd'hui. Et nous saluons aussi la façon dont les partis politiques globalement se comportent actuellement. Bien entendu, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a certaines irrégularités qu'on remarque par-ci, par-là. Certains partis politiques qui ne veulent pas respecter les textes fondamentaux, les statuts, le règlement d'ordre de l'intérieur et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et là, justement, pour essayer de réguler les écarts de comportement qui se manifestent au sein de ces partis. Mais de façon générale, la liberté politique est là. Les partis politiques sont sur le terrain. Pour la plupart, il y en a ceux qui ne sont pas visibles de leur gré. Mais il y a aussi ceux, pour des raisons, une raison ou une autre, ne sont pas sur le terrain pour les manquements qu'ils auront affichés. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que le ministère prend des décisions par rapport à ces partis qui ne s'acquittent pas correctement de leur mission? Oui, le ministère de l'Intérieur est là justement pour essayer de cadrer les partis politiques qui ont tendance à s'écarter de la loi sur les partis politiques et mais aussi sur le respect de leur statut. Cadrer ne veut pas dire donner des injonctions aux partis. Non, il n'est pas question de donner des injonctions, mais ce sont des recommandations qui vont dans le sens de faire respecter non seulement la loi sur les partis politiques, mais sur la réglementation en général en vigueur sur le territoire burundais. Voilà, je me tourne du côté du parti SNL, un parti qui a sa voix au niveau de l'échiquier politique au Burundi. Du côté du ministère de l'Intérieur, on parle d'une liberté politique de tous les partis. Est-ce que vous l'entendez de la même façon? Bon, merci de m'accorder la parole. De prime abord, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé cette plateforme en date du 3 novembre 2023. C'est juste à presque une année des élections législatives. Nous entendons que le code électoral est suffisamment avancé au niveau de son élaboration pour dire que vous avez organisé cette émission à prénommer. Deuxièmement, on voudrait profiter de l'occasion pour remercier son excellence et monsieur le président de la République d'avoir promulgué la loi 1/05 du 16 mars 2023 pour avec le recoupage administratif territorial. Et au niveau du CNL, ce programme de recoupage administratif en 5 régions, ça avait avancé par notre président du parti honorable Agathon Rwasa. Et on déplore ce que le directeur général vient de dire, que tout va bien, tout marche bien, que les libertés politiques sont respectées, que les partis politiques sont sur le terrain, alors qu'il sait pertinemment que le parti CNL a les mains liées. Les mains liées parce que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a sorti une lettre en date du 17 mai 2023 proclamant la nullité des décisions qui avaient été prises au niveau des congrès organisés par le parti CNL, le congrès ordinaire du 12 mars 2023 et le congrès extraordinaire organisé en date du 30 avril 2023. C'est regrettable parce que ces deux congrès, c'est bel et bien le ministre de l'Intérieur qui avait autorisé que ces congrès aient lieu. Il a même autorisé qu'on aille sur le terrain dans les 5 nouvelles provinces. Est-ce qu'il s'agissait de congrès spécifiques ou spéciales pour le parti CNL ou ça concernait tous les partis? C'était spécifique pour le parti CNL. Il y avait des problèmes ou Non. D'abord, au niveau du congrès ordinaire organisé en date du 12 mars 2023, c'était à respecter les statuts qui disent que les congrès ordinaires sont organisés en l'air 3 ans. Donc, la période de 3 ans allait prendre fin février 2023. Alors, on a organisé ce congrès pour respecter prescrit texte et on a organisé en date du 12 mars 2023. Et dans ce congrès jusque-là, il n'y avait aucun problème. Et ce congrès, c'était bien précis. Il fallait s'ajuster. Ajuster les textes, les statuts et le règlement de l'intérieur à la nouvelle loi sur le redécoupage administratif territorial promulgué en date du 16 mars. Ça avait déjà été étudié à l'Assemblée nationale. On voyait déjà que ça allait être adopté. Et c'était uniquement pour adopter les textes. Alors, on a descendu sur le terrain à Butanyerera, Humuza, Gitega, Urunga, Bujumbura, sans problème. Par après, il a autorisé qu'on organise le congrès extraordinaire en date du 30 avril, aussi sans problème. Et il y avait même, parmi les invités, le directeur général ici présent. Il a vu de ses propres yeux que ça s'est bien déroulé. Et on a, tout le monde a été satisfait. On est parti, on est rentré sans problème. Mais 48 jours après, donc on a vu le 17 mai 2023, une correspondance du ministre de l'Intérieur annulant les conclusions des décomptes. D'abord, il a pris pris la décision d'annuler les conclusions en violation de l'article 64 et de la loi régissant les partis politiques. Et comme si, quelle est la substance de cet article? L'article 64 dit que, et sans préjudice des sanctions prévues dans d'autres dispositions légales, la Chambre administrative de la Cour suprême peut, à la demande du ministère l'intérêt dans ses attributions, du ministère public ou de toute personne intéressée, prononcer la nullité de tout acte pris par un organe du parti qui contreviendrait à la présente loi ou à l'ordre public. C'est la Chambre administrative de la Cour suprême qui peut prendre cette sanction, mais pas le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce qui vous fâche, c'est parce que la décision a été prise par le ministre de l'Intérieur qui n'est pas passé par pas la Cour administrative? Pas seulement cela, parce que même l'organisation des congrès a été bien faite, que ce soit en qualité de participant ou concernant la matière à étudier. Donc, c'est pourquoi nous vous disons que les problèmes sont intervenus un temps après, alors que ces problèmes, on n'a pas pu les mettre sur la table, que ce soit la séance tenante ou dans les jours qui ont précédé l'organisation de ces congrès. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le 2 juin... Durant ces réunions, est-ce qu'il y avait une mission d'observation de la part du ministère de l'Intérieur? Oui, le ministre était dûment représenté par le directeur général ici présent et même son collègue. Alors, le 2 juin, il a adressé au président du parti une autre correspondance. Cette fois-ci, suspendant toutes les activités du parti sur tout le territoire national. Ça aussi, c'est en violation de l'article 62 de la loi sur les partis politiques, qui stipule que, sans préjudice d'autres mesures administratives, en cas de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sûreté de l'État du fait d'un parti politique, le ministre ayant l'intérêt dans ses attributions peut prendre la mesure immédiatement exécutoire de suspension de toutes les activités du parti politique concernées et ordonner la fermeture de ça. Cette décision peut être prise quand il y a l'atteinte à la s'il était de l'État ou s'il y a le trouble public. Voilà. Pour donner la parole à d'autres invités, on pourra y revenir. Vu ce qui se passe au parti Sénel en termes de liberté, est-ce que vous pensez que les libertés politiques sont garanties pour les partis ou non? Bon, d'abord le président du parti a demandé à maintes reprises qu'on annule les décisions prises injustement pour que le parti puisse vaquer à ses activités librement, faire des réunions et tout comme ça. Alors, si ces sanctions ne sont pas levées, vous comprenez qu'au niveau de notre parti, les libertés politiques ne sont pas respectées. Ça ne peut pas être respecté alors qu'elle est mise au lit. Voilà, merci. Je passe la parole à Honorable Moutabazi Jean de Dieu. Au niveau du Radebout, comment appréhendez-vous la situation actuelle? Pensez-vous que les partis politiques ont cette liberté de travailler sur le territoire burundais? Naturellement. Moi, au niveau du Radebout, nous sommes positifs, c'est parce que nous avons une vision globale du pays par rapport à la situation de la démocratie dans la sous-région et même au niveau de l'EAC. C'est-à-dire que le Burundi a un niveau vraiment très élevé dans le respect des principes de démocratie, dans le respect de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Et même aujourd'hui, nous sommes régis par la deuxième constitution après la constitution de 2005. Cette constitution de 2018, qui a été votée par voie référendaire, consacre la démocratie au Burundi. Et nous, au niveau des partis politiques, non seulement nous sommes régis par cette constitution, mais nous sommes régis aussi par la loi sur les partis politiques et même un peu la loi sur les ASBL. C'est-à-dire qu'au niveau de leur naissance, au niveau de leur création, au niveau de leur liberté, cela est assuré. Et même la loi a prévu qu'il peut y avoir des situations de manque de consensus ou bien de ne pas se comprendre au niveau de la loi, ou même comment on peut trancher les l'autre conflit, c'est-à-dire qu'on peut s'en remettre au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Et je le disais, dans la langue nationale, nous, on a déjà eu des problèmes avec le ministère de l'Intérieur au niveau du Radebout et on avait déjà constitué un dossier pour s'en remettre à la cour administrative. La question a été vidée peut-être. Oui, elle a été, oui, heureusement, et on s'en est sorti à l'amiable. On n'a pas dû se remettre à l'autre chambre. Alors, nous, on est en train de s'adapter à la loi sur le nouveau découpage administratif, parce qu'aujourd'hui, comme le disait l'honorable Malaika et le directeur général, il y a 5 provinces et nous devons avoir des nouveaux comités dans la nouvelle province de Bujumbura, de Tanyerera, de Buhumuza, de Burunga et de Gitega. Bon, Nous, on marche avec notre propre rythme, mais on ne doit pas dire qu'il y a simple, tout est blanc, tout est à 100%, bien parce que il y a toujours une certaine compétition, une certaine compétition surtout à la base. Mais heureusement, l'administration est toujours là, ou bien la police pour essayer de trancher. C'est particulièrement au niveau des jeunes. Donc, comme si vous dites comme ça, c'est que les revendications, les réclamations du parti SNL, entre guillemets, ça peut de votre côté, c'est pas fondé, du moins que dans l'ensemble, tous les partis ont cette attitude de travailler en toute liberté. Non, c'est pas de la même nature, parce que le problème au SNL, c'est un problème beaucoup plus interne. Et si vous écoutez l'honorable Malaika, lui, il dit que c'est plutôt le ministère, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y a une forme d'impartialité. C'est ce qu'il dit, mais en écoutant l'autorité en charge de la gestion des partis politiques, et nous-mêmes, et même selon notre point de vue, le problème est beaucoup plus en interne. Et cela, je le disais aussi à l'un qui ont dit, cela arrive parce que vous voyez, même le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, il y a déjà eu des gens qui l'ont quitté pour créer leur propre parti. Il y a le CNDD dirigé par Nyangoma, il y a la DR dirigé par l'honorable Alice Ndomukunda, il y a le KZ-FDD. Au niveau du Frodebu, il y avait déjà eu une forme de fronde au Frodebu. Puis il y a eu le Frodebu Nyakuri, il y a eu le Kodebu et le Radebu, bien sûr. Au niveau du Palipeutu FNL, il y a eu le FNL. Il y a eu le Palipé Agakiza et d'autres, mais pour dire que en fait, non, ça arrive, ça arrive, les histoires de fronde ou bien de mésentente, surtout au niveau du leadership interne des partis politiques, cela arrive. Mais quand on regarde l'exemple du parti Uprona aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un certain rapprochement des différentes tendances, c'est bien, c'est positif, c'est positif. C'est pourquoi, si sur la scène politique burundaise, il y a une 30 partis, c'est bien, mais les 30 formations politiques ne correspondent pas à 30 idéologies. Non, mais ça montre qu'il y a une certaine liberté d'expression, une liberté politique. Ici au Burundi, on peut créer les associations, on peut créer les partis politiques comme on l'entend. Mais également, ce qui est bien, c'est l'approche aussi des gestionnaires des partis politiques, l'approche, je dirais, consultative qui est en train de se faire. Quand il y a, par exemple, les nouvelles lois qui vont bientôt nous régir, la proposition du projet de code électoral. Nous avons été déjà consultés, je pense que même un des amis je ne sais pas s'il est, de quelle tendance il est au niveau du CNL, on était ensemble le 23, c'était lundi le 23 à Solo Réseau. Le secrétaire général de ceux qui ont signé contre l'actuel président. Je ne sais pas si celui-là qui représentait les deux tendances, je ne sais pas encore. Le secrétaire général, bon. Il est unique. Bon. Alors, donc c'est une approche consultative qu'il faut apprécier entre l'autorité gestionnaire des partis politiques et nous, les partis politiques. Mais comme je le disais aussi, il faut toujours que les gens qui doivent réguler les formations politiques soient vigilantes. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, les gens qui sont au pouvoir, le parti gagnant ou bien la formation gagnante ou bien même la coalition, elle fait tout pour rester au pouvoir. Et les partis, qu'ils soient deuxièmes ou qu'ils soient à l'opposition ou bien à l'opposition démocratique comme nous faisons tout aussi pour les remplacer. Mais face à ces deux antagonismes, il faut qu'il y ait le respect de la loi. Absolument, absolument, parce qu'il faut de l'arbitrage chaque fois. Et le ministère de l'Intérieur, la police et même la commission électorale nationale et ses démembrements, les CEPI, les CECI, il faut toujours qu'ils soient là. C'est normal parce que c'est une compétition et chaque compétition, il faut qu'elle ait un certain arbitrage et lequel arbitrage doit toujours être neutre. Et en cas de problème, il y a toujours les institutions. Non seulement de bonnes lois, mais de bonnes lois, je dirais nationales, mais également de respecter aussi, de notre part, respecter la réglementation que nous avons mis nous-mêmes, que nous avons accepté dans nos congrès, c'est-à-dire les statuts et les règlements d'ordre intérieur respectifs. Nous devons aussi les respecter. Merci. Je passe maintenant du côté de Rémi Avialimana, il est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Ici en face, dans cette émission, on peut scripter déjà deux tendances, ceux qui disent que le contexte politique permet l'exercice des libertés politiques pour tous les partis. Il y a d'un autre côté le parti Sénel qui présente des griefs du point de vue du respect de la loi par rapport à ce qui se passe au sein de ce parti. Mais en tant qu'analyste, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'exercice des libertés politiques dans un jeu démocratique? Partons d'abord du contexte général. Nous sommes dans un pays, je dirais, jeune démocratiquement parce que le multipartisme ne date pas de longtemps. Nous sommes déjà en 1992 lorsque il y a eu la deuxième autorisation du multipartisme. Disons qu'avant, il y en avait eu, mais on est revenu au monopartisme pour recommencer avec le multipartisme en 1992, qui malheureusement n'a pas connu, n'a pas eu long feu, dans ce sens que le Burundi est replongé dans la guerre qui a encore une fois dérangé le processus. Lorsque nous revenons, nous sommes dans une période tellement perturbée, tellement changeante que les lois que l'on met sur le pied sont vite dépassées. Surtout que chaque fois que l'on met des lois sur le pied, c'est que les structures gouvernantes essaient de résoudre les problèmes immédiats, les questions qui se posent dans l'immédiat. Et comme la situation change tellement vite, après une certaine période, la quasi-totalité des dispositions légales sont dépassées. Alors, dans le processus électoral, on dit que s'il y a les élections aujourd'hui, les préparatifs pour les élections prochaines commencent demain. C'est un principe qui n'est pas encore d'actualité au Burundi. La preuve en est que les questions qui se posent aujourd'hui entre ces deux camps dont nous parlons maintenant, pour moi, il y a un manque criant d'un arbitre qui puisse effectivement guider les solutions pour les détails dont il est question maintenant. L'action du ministère ne suffit pas aujourd'hui. L'action du ministère, dire que ça ne suffit pas, ça serait dire ce qui se passe. Pour le moment, est lacunaire sur certains aspects. Voilà, parce que, je le disais tantôt, il y a le code électoral qui n'est pas encore là. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau des partis politiques, ce sont des dispositions qui devraient s'orienter vers les élections. En fait, c'est-à-dire que le parti au pouvoir veut garder le pouvoir, tandis que ceux qui ne sont pas au pouvoir veulent accéder au pouvoir. Le jeu qui se mène à ce niveau, donc, devient un peu problématique lorsqu'on n'a pas d'arbitre qui soit actualisé. Et là, je vais dire le code électoral. Alors, c'est très dommage. C'est une conséquence directe du fait qu'effectivement, je le disais, la démocratie soit encore très jeune au Burundi. Nous avons cette tendance de revoir les textes la veille des élections, comme si les textes ne venaient que pour l'observation ou la mise en œuvre seulement des élections. Alors que les élections peuvent être, le processus peut être lacunaire dès le lendemain de la proclamation de la victoire pour les élections. Donc, ce qui se fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est un processus électoral, mais qui n'a pas de loi actualisée. En fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réfère justement au texte de la gestion des partis politiques. Et lorsque vous écoutez bien, vous sentez qu'il y a la course au positionnement électoral de ces leaders de ces partis. Et là, si vous vous rabattez sur les textes de ce même parti. Et si vous faites allusion notamment au problème connu aujourd'hui au niveau du parti Sénel. Oui, oui. Et là, je dois le dire, je ne me base que sur ce que j'entends ici parce que je n'avais pas encore eu des informations là-dessus. Mais je comprends que c'est un problème de leadership où chacun se dit probablement si je suis pas, j'occupe pas tel poste, les élections approchent et dans un pays où la liste électorale est dressée par celui qui dirige le parti, vous comprenez qu'on est déjà dans le cadre électoral. Et si on veut résoudre les questions électorales avec les statuts du parti, le règlement de l'ordre intérieur, vous comprenez donc que quelque part, il y a des dispositions qui manquent. Et là, je voulais donc dire que si c'était possible effectivement que cette disposition, je veux dire que le code électoral soit préparé longtemps en avance pour qu'effectivement tout cela soit dans ce code, ça permettrait que le ministère de l'Intérieur ait un autre outil en plus de ce dont nous disposons, qui éviterait que tel ou tel autre parti dise que le ministère de l'Intérieur est partial. Mais maintenant, lorsqu'on dit « on voit que vous êtes penchant », c'est difficile de dire « vous avez beau expliquer, quelle preuve ?» Donc, c'est pour dire « l'arbitrage, pour moi, n'est pas vraiment ce qu'il faut. » Et comme on est encore jeune, je ne fais que souhaiter que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Juste une petite question avant de terminer vos propos. Est-ce que dire que le Burundi est une démocratie qui est encore jeune, ce n'est pas une excuse qui peut-être permet à certains de pouvoir ne pas faire correctement leur devoir en termes de gestion du pays? C'est une conséquence directe parce que justement cette jeunesse fait que tel qu'on met des erreurs, il n'y a pas de disposition pour le recadrer. Lorsque justement aujourd'hui tous les partis politiques se sentent à l'aise de travailler sans code électoral, alors qu'ils savent qu'à un certain moment ils en auront besoin, ils jouent en faveur du parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir est à l'aise lorsqu'il n'a pas cet appareil qui risque de gêner. Parce que souvenez-vous-en, on est au pouvoir et on veut y rester. Alors si celui qui veut vous faire bouger du pouvoir ne prend pas toutes les dispositions requises pour justement vous obliger légalement à être équitable, vous comprendrez que c'est cette jeunesse justement qui fait que la force soit du côté de celui qui l'a. Et là, rien à faire jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse. La difficulté restera là. Merci, Monsieur Rémy. Je retourne du côté du directeur général Théophile Ndalo Fatiyé. Avant de réagir sur les propos de Monsieur Rémy, je voudrais que vous parliez de quelque chose sur les griefs, peut-être, ou les lamentations du côté du CNL, parce que finalement, on comprend à travers les propos de Honorable Malaika, ne comprend pas l'action du ministère, finalement, qui se dirige vers l'analyse de M. Rémy, qui parle d'une certaine difficulté au niveau du ministère d'arbitrer correctement. Au regard de ce que vient de dire Honorable Malaika, il y a lieu de tirer dedans une certaine mauvaise interprétation de la loi sur les partis politiques. Ce que je ne sais pas, c'est si cette interprétation erronée est faite sciemment ou par ignorance. Mais de toute façon, il y a une lecture qui n'est pas du tout bonne par rapport à... Et si vous êtes allusion aux articles déjà évoqués... Oui, tout fait, allusion aux articles 64 et 62 de la loi sur les partis politiques qu'il a évoqué. Je soulignerai en passant qu'il aurait fallu les compléter avec l'article 10 alinéa 2 de la même loi. Et là, je vais donner des éclaircissements pour tous ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, pour qu'ils comprennent ce qu'il en est avec ces dispositions. Ces articles, l'article 62-64, parlent du rôle de la Chambre administrative et de la Cour suprême par rapport aux décisions, à la décision de suspension des activités d'un parti politique. C'est au moment où un parti politique a un frein à cette même loi. Et l'article 10 alinéa 2 exige au ministre de l'Intérieur d'intervenir et de vérifier si les statuts et le règlement d'ordre de l'Intérieur d'un parti quelconque sont respectés. Alors pour le cas présent du parti CNL, évidemment, effectivement le 12 mars 2023 et le 30 avril 2023, des congrès ordinaires et extraordinaires ont eu lieu au sein de ce parti. Ils ont informé, comme la loi sur les partis politiques le prévoit, ils ont informé le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait d'objection. Les deux congrès ont été tenus. Et comme il a dit, j'ai représenté le ministère en tant qu'observateur, ça c'est vrai. Vous étiez là? Oui, j'étais là. J'étais là. Au niveau du déroulement du congrès, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Vous n'avez pas soupçonné des... Je continue. Ça c'est déjà bon. Après... C'était correct à ce niveau. Comme la tenue, le jour même, il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu aucun problème. Le problème réside où c'est là où l'honorable Malaika et le parti CNL ne veulent pas donner des précisions claires au public. L'organisation de ce congrès tient compte des dispositions contenues dans les statuts et le règlement d'ordre intérieur de ce parti, lesquels textes ont été mis en place par eux-mêmes. Il y a des dispositions pertinentes au sein de ces textes qui doivent absolument être respectées par le parti CNL, c'est-à-dire les dirigeants de ce même parti. Alors, ces textes précisent clairement qu'avant la tenue des congrès, il y a des préalables, il y a des congrès régionaux qui doivent être organisés, au cours desquels les militants de son parti donne des avis et considérations, donne des propositions qui vont être analysées lors du congrès national. Il y a des expositions aussi qui parlent du rôle du bureau politique. Mais jusqu'à aujourd'hui, honorable Maïka est là, nous avons demandé de nous fournir les procès-verbaux de la qui montrent que les congrès, ces congrès régionaux ont eu lieu, que le bureau politique a été saisi, a se prononcé sur l'ordre du jour et sur les points a été dit. Et ils ont refusé. Il est ici. Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès verbal nous a été donné. Vous comprendrez alors que ces congrès ont été irrégulièrement organisés, que ces congrès sont en violation des statuts et règlements de l'ordre d'intérêt de son même parti. Alors, nous sommes là, le ministère de l'Intérieur est là pour faire respecter les statuts et les règlements de l'ordre d'intérêt du parti politique. Et c'est par là que le ministre a pris la décision de rendre nul et de nul effet les décisions sorties de ces congrès parce que en violation des textes régissant le parti CNR et c'est de la prérogative du ministre de prendre ces décisions. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce que l'honorable Maraïka a dit. Mais de façon globale, comme je l'ai dit, la liberté politique est là, car son inquiétude par rapport à la décision prise par le ministre de suspendre les activités de son parti, eh bien, vous le savez tous, qu'il y a un conflit, un litige, un désaccord interne au sein du parti CNR et plus particulièrement au niveau du bureau politique. Et lorsqu'il y a un conflit au sein des organes dirigeants au haut niveau, au haut sommet du parti, vous comprendrez que les activités qui pourraient être organisées pourraient porter préjudice aux citoyens. Alors, qu'ils soient membres du parti CNR, qu'ils soient citoyens, le ministère de l'Intérieur est là pour assurer sa protection. Mais l'histoire nous rappelle qu'à chaque fois qu'on approche des échéances électorales, le parti CNR a eu souvent des difficultés ou des conflits avec, entre guillemets, avec le ministère. Et c'était toujours le gouvernement du CNDD-FDD contre le parti CNR. Est-ce que, si on revient sur les propos de M. Rémy, qui pose cette difficulté au niveau du ministère d'arbitrer correctement face aux enjeux électoraux tous les partis politiques, est-ce que finalement ça ne dit pas long sur ces problèmes que connaît le parti CNR souvent à l'approche des élections? Probablement que ces problèmes viennent de l'intérieur même du parti CNR. Je ne pense pas que les problèmes soient liés avec le ministère de l'Intérieur parce que, comme je venais de le dire, nous sommes là, le ministère de l'Intérieur est là pour faire respecter les statuts et les règlements d'ordre de l'intérieur du parti politique, y compris le parti CNR. Mosaïque. À tous ceux qui nous écoutent et à nos chers téléspectateurs, je vous rappelle que l'émission c'est Mosaïque. Et Mosaïque, aujourd'hui, on se penche sur la question de la situation des libertés politiques dans un contexte où nous approchons progressivement à une échéance électorale attendue. Et vous l'avez compris, au niveau du Burundi, les enjeux sont multiples. Et pour en parler, nous sommes avec quatre invité dans les studios de la radio-télévision Isanganiro. Nous sommes avec Théophile Ndaloufatiye, il est directeur général au ministère de l'Intérieur, la Sécurité publique et développement communautaire, et il est en charge des organisations non gouvernementales et la promotion des libertés politiques. Nous sommes également avec honorable Pamphile Maraïka, il représente dans cette émission le parti Congrès national pour la liberté CNL. Nous sommes avec honorable Jean de Dieu Moutabazi, il est président du parti Radebou. Nous sommes avec Rémi Avialimana, il est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Et si je continue avec ce débat, je m'adresse à l'honorable Pamphile Maraïka. Lorsqu'on parle des histoires d'OPV, et finalement on risquera de vous accuser d'insubordination du moment que les PV essentiels de certaines réunions doivent être acheminés au niveau du ministère de l'Intérieur. Dites-vous ces noms avec des lettres majuscules. Je commençais d'abord à dire quelque chose sur ce que le directeur général vient de dire à rapport avec le congrès, qu'il dit qu'ils ont été irréguliers. Ils n'ont en aucune manière été irrégulier. Là, je précise. Le congrès du 12 mars 2023. D'abord, le congrès a été participatif, il a été inclusif. Même ces gens qui se plaignent, ils étaient dedans. Ils n'ont jamais dénoncé aucun vice de procédure. La séance est tenante. Ils ont même contribué, ils ont même donné des contributions. Lesquelles contributions ont même été tenues en compte. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte après Les décisions issues de ce congrès du 12, tout le monde a accepté, en levant les mains. Ça a été accepté à 100%. Et on est rentré. Le ministère de l'Intérieur a autorisé le président du parti à organiser des centres sur le terrain pour aller expliquer les changements, les réformes adoptées au niveau des textes pour s'adapter à la nouvelle loi sur le découpage administratif territorial. Là, on n'a pas d'autre choix que le respect de cette loi. On n'a pas demandé ou à couper. On doit s'adapter à cette nouvelle loi, qu'on le veuille ou pas. Alors, il a donné l'autorisation. Tous ces gens-là qui disent que ceci ou cela, on était ensemble. On est descendu à Butanyerera, à Buhumuza, Gitega, Burunga et Bujumbura successivement, sans aucune entrave, sans aucune dénonciation du mauvais déroulement des choses. Alors, le 30 avril, on a concrétisé en mettant en œuvre les décisions du Congrès du 12 mars 2023. Là aussi, que ce soit avant l'organisation du congrès, que ce soit lors de la séance tenante, aucune objection. Même lors du déroulement, le directeur général était là. Et merci beaucoup du fait qu'il a dit que tout s'est passé bien. Vraiment, tout s'est passé. Le problème, c'est où? Le problème réside au fait qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient dans le bureau politique, qui se sont retrouvés ailleurs dans un conseil consultatif. Et là, ça s'explique aussi parce que avec l'adaptation des textes avec la nouvelle loi de découpage administratif, le nombre a diminué. Les secrétaires nationaux étaient au nombre de 8, ils sont pour le moment c'est au nombre de 5, conformément aux nouvelles provinces, etc., etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a remis en cause les conclusions à partir du 17 mai. C'est-à-dire, les contestations se sont présentées devant le ministère. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a un groupe de dissidents qui a adressé une plainte au ministère de l'Intérieur. Sans passer par vos ce qui est étonnant d'abord, c'est que cette plainte n'a réservé une copie au président du parti. C'est déjà en vice de procédure. Il a le droit d'avoir une copie. Même jusqu'à maintenant, il n'a pas encore eu. Vous voyez que le directeur général, il s'acharne sur les PV, mais il ne dit rien sur la copie de cette plainte. Les décisions n'ont pas été prises sur la base des plaintes, mais sur les règles, sur l'analyse des procès-verbaux que vous avez pris. Non, au niveau de la lettre, c'est bien spécifié qu'on a pris ces décisions à partir de la plainte qui avait été... Non. Bon, je continue. Après l'analyse d'abord des PV, par la suite, il y a eu plainte. Vous allez relire la lettre. C'est juste pour que vous ne mentiez pas. Bon, peut-être après l'émission, on va peut-être revoir la lettre parce que je l'ai ici. Je suis suffisamment outillé. J'ai les statuts, j'ai le règlement de l'intérieur, j'ai toutes les lettres qu'on vous a adressées. Tout j'ai ici. Alors, le problème, c'est que... Malaïka. J'espère. Malaïka, il faut respecter votre nom. Probablement qu'il n'en est pas un. Ça se trouve ici. Je peux. Malheureusement, c'est question de temps. Sinon, j'allais vous lire le contenu de la lettre qui se trouve ici. Ce qui est très important, c'est quoi? Ce qui est très important, le DG a dit que le ministre de l'Intérieur, à travers l'article 10, alinéa 2, qu'il a l'obligation de faire respecter les statuts. Ça, c'est correct. Mais cet alinéa ne lui donne en aucune manière les prérogatives de rendre nulles les décisions d'un congrès. Donc, conformément à l'article 64 de la loi sur le parti politique, ces prérogatives, c'est uniquement pour la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, en prenant cette décision, il a empiété sur les compétences de cette Cour. Et puis, le 2 juin 2023, comme si cela ne suffisait pas, le ministre de l'Intérieur a adressé une lettre au président du parti, lui disant que toutes les activités du parti sont suspendues sur le territoire national. En prenant cette décision, c'est comme si c'est un rétrécissement, c'est une restriction, c'est comme si on demandait au parti CNL de demander encore un autre agrément. Alors que l'article 75 de la constitution du Burundi reconnaît le multipartisme. Et aussi, en prenant ces décisions, le ministre de l'Intérieur viole l'article 80 de la Constitution. Ce qui est très grave. Parce que l'article 80 dit que la loi garantit la non-ingérence du pouvoir public dans le fonctionnement du parti politique, sauf pour ce qui est des sections nécessaires à la prévention de la haine ethnique. Ça, ce n'est pas le cas. Politique régionale, religieuse, le genre, ou maintien de l'ordre public. On n'a pas violé l'ordre public, on n'a pas violé la sécurité publique. On ne comprend pas pourquoi. Mais par quelle voie avez-vous contester la décision du ministre? Est-ce un recours administratif, un recours au niveau de la justice? Qu'est-ce que vous avez fait finalement? D'abord, le président du parti, honorable Gatogwasa, a adressé une correspondance en réponse à ces lettres que le ministre a adressées, lui disant de lever ses mesures. Avec bonne foi, il a même dit, noir sur blanc, qu'il allait organiser ses assemblées régionales, quitte à la fin organiser un congrès extraordinaire national inclusif. Mais, miraculeusement, le ministre de l'Intérieur a dit non, il faut commencer par écouter ces gens. Alors, visiblement. Non, moi je l'ai dit. Je l'ai dit que le premier congrès du 12 mars, d'abord, ça fait deux objectifs. Il fallait organiser un congrès pour respecter les statuts qui disent que dans la période de 3 ans, on doit organiser un congrès ordinaire. Et deuxièmement, c'était question de s'adapter à la nouvelle loi. Alors, l'adaptation de ces textes à la nouvelle loi, quand le président du parti organisait des séances de réunion, les présidents des régions étaient dedans. Alors, ils contribuaient aussi. Et ils relayaient l'information dans leur zone respective. C'est comme s'il a consulté ces gens. Alors, on ne sait pas si c'est par peur du parti CNR, du fait d'avoir fait cette décision. Et visiblement, le ministre de l'Intérieur a une partie prise envers ces gens qui mettent devant l'insubordination, alors que l'insubordination est punissable par la loi. Le code pénal prévoit des sanctions appropriées à l'insubordination. Donc, progressivement, vous concluez, vous voyez que c'est l'ingérence, c'est l'immixtion. Le ministère pourrait être du côté de ceux qui ne sont pas d'accord avec les décisions prises. Le vrai problème, c'est l'immixtion du ministère de l'Intérieur dans les affaires indoïnes du parti CNR, tout en donnant de la force à 10 dissidents. 10 dissidents. Normalement, le bureau politique est composé par 25 personnes. Or, eux, ils disent que le bureau politique est composé par 20 personnes. Même si c'était le cas. L'organe du bureau politique, quand il se réunit, le quorum est de 2/3 des membres. Mais eux... Donc, il reste insuffisant pour prendre des décisions. Normalement, pour prendre des décisions, il devrait être à 14. Mais les 10, ils aillent... D'abord, les hautes décisions sont prises au niveau de la permanence. Eux, ils aillent dans un cabaret, dans un hôtel, ils proclament devant la LTNB qu'ils viennent de suspendre le président du parti, tout en ne respectant pas la loi. Sans les prérogatives, est-ce que 10 sur 14, ils ont respecté la loi? Ils avaient 2 mois. Donc, 60 jours pour peut-être remplacer le président, si c'était le cas. D'abord, pour le remplacer, il devrait être dirigé par le secrétaire général. Clairvoyant qu'il a rejeté cette offre. Et après, ils ont essayé de manigancer une histoire qu'ils mettent en avant une femme, le doyen d'âge, etc. On ne voit pas comment ils ont même trouvé. Nous reviendrons sur ce cas vers la fin de cette émission. Pour présenter ce que vous demandez le délai de 60 jours, c'est déjà terminé. Et éviter ce conflit. Mais permettez que je passe la parole à d'autres invités, surtout par rapport à ce cas. Nous avons Honorable Mutawazi, justement, qui fait son long parcours politique au Burundi. Il en a d'ailleurs évoqué au début que ces difficultés, ces défis à certains partis sont des défis qu'il faut toujours savoir de façon positive de les gérer. Mais par rapport au cas de CNR actuel, quels sont les enjeux autour, qu'est-ce que vous conseillerez surtout au parti CNR, mais également au niveau du ministère, pour que finalement ce contexte politique qui est prédit par la loi soit vraiment réel en termes de liberté politique? Oui, vous me permettrez d'embrayer sur ce que a dit notre Monsieur ami Rémy. Monsieur Rémy, que nous sommes une jeune démocratie. C'est pour s'ajuster. En fait, on doit prendre conscience que la relance de la démocratie, la relance du multipartisme, la relance de la désignation de nos dirigeants par le vote ne va dater maintenant que de 20 ans après l'assassinat du héros de la démocratie d'Adé Melchior, c'est-à-dire à partir de 2005, avec les accords d'Arusha. C'est encore peu, 20 ans, c'est encore peu. En fait, c'est peu. Mm-hmm. C'est pour vous dire que là où on en est, en fait, nous venons d'abord de 40 ans de dictature militaire avec Michombero, Bagaza et Buyoya, les deux mandats de Buyoya. C'est pourquoi il faut dire à peu près 40 ans. Mm-hmm. Deuxièmement, nous venons aussi de 60 ans de colonie où le Burundi était dirigé à partir de l'Allemagne et de la Belgique, c'est-à-dire à partir de 1903 avec le traité de Kiganda et les années d'indépendance en 1961-62. En fait, nous avons fait 60 ans sous la colonie. Mais avant cela, on avait une monarchie. Nous avons fait 300 ans de monarchie où le pouvoir provenait des monarques, des Baganois qui alternaient entre eux, Abatare, Abézi, Abataga, Abambuta. Ça fait 300 ans de monarchie. Où est-ce que ça nous amène? 60 ans de colonie, 40 ans de dictature militaire et seulement 20 ans à partir de 2005. Ça veut dire que En fait, nous avons un défi de consolidation de la démocratie, non seulement entre nous, les concurrents, c'est-à-dire les partis politiques, mais à l'intérieur de nos partis politiques. Ça veut dire que quand, par exemple, vous regardez la manière dont nous gérons nos partis politiques, est-ce que nous respectons scrupuleusement les textes auxquels nous nous sommes engagés de respecter, c'est-à-dire nos statuts et nos règlements d'ordre intérieur. Deuxièmement, en dehors, il y a la loi, premièrement, la Constitution de la République du Burundi. Il y a deuxièmement la loi sur les partis politiques. La loi, est-ce que nous la respectons scrupuleusement? Deuxièmement, il y a la loi sur les ASBL. Troisièmement, il y a la séparation de pouvoir quand on prévoit qu'en cas de conflit, parce que le conflit a été prévu par la loi, le conflit a été prévu même à l'intérieur des partis politiques. Il y a un cas de conflit, c'est pourquoi on parle d'un certain nombre de quorum, le quorum qu'il faut respecter. Parce que même en écoutant un peu le problème qu'il y a à l'intérieur du Sénat, il y a des gens qui ne sont pas contents qu'ils soient bougés de l'organe de bureau politique vers un organe qui a un pouvoir consultatif, c'est-à-dire le conseil consultatif. Donc inférieur. Oui, oui. Et même que tu le tournes comme tu veux, il y a une dissonance à l'intérieur du Sénat. C'est-à-dire, il y a même une fronde qui grandit. Il y a une aile qui est en création et qui continue. Même si l'honorable Malaika dit qu'ils font des réunions dans les bars et dans les quoi, etc. Demain, ils peuvent les faire dans les permanences. Dites que le problème était là même avant la décision du ministère de l'Intérieur. Que tu le dises ou que tu le reconnaisses ou pas, le verre est déjà dans le fruit. Je vous ai dit qu'il y a eu déjà des séparations. Et heureusement que la loi a prévu que quand tu n'es pas content d'être dans un parti politique, tu peux le quitter pour créer un autre. Mais nous avons tous le défi de consolider le processus démocratique. Mais il y a monsieur Rémy qui a dit que pour le ministère de l'Intérieur, des fois, il est difficile de pouvoir arbitrer tous les partis politiques du moment que souvent son ministère émane d'un parti qui a gagné les élections et qui a envie aussi de conserver son pouvoir. Est-ce qu'en écoutant, soyons sincères, est-ce qu'en écoutant l'honorable Malaïk, tu ne vois pas qu'il dit que si le ministre de l'Intérieur n'est pas de leur côté, c'est qu'il est du côté, donc il n'accepte pas que le ministre de l'Intérieur soit neutre. Il n'accepte pas. Ça, c'est clair. Autrement dit, c'est l'égocentrisme. C'est une lecture mono des textes qui le régissent. Donc, c'est pourquoi je dis que nous avons un défi. Nous avons un défi, en fait, de consolider le processus démocratique avec les élections. Parce que nous sommes en train d'évoluer, mais positivement, si on regarde la sous-région et même l'Afrique, et même, je vous dirais même en regardant ailleurs, quand vous regardez les procès du président Trump qui n'a pas reconnu le verdict des urnes avec ses procès au niveau du Capitole et on le taxe de putschiste, quand vous regardez les procès de l'ancien président français Sarkozy, etc. En fait, le processus, la démocratie, c'est un défi. Il faut toujours respecter non seulement les lois, mais respecter les principes. Je le disais que en se réajustant au niveau des termes, est-ce que pendant les 300 ans qu'on avait la monarchie, puisqu'il n'y avait jamais eu d'effusion de sang à base de clan ou bien à base d'ethnie, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment une démocratie? Pourquoi? L'Angleterre, c'est une monarchie. Le Canada, c'est une monarchie qui reconnaît Londres. Donc vous reconnaissez que le problème, ce n'est pas toujours la monarchie, mais c'est la manière de gérer. De gérer la société. Et les acteurs de sentir cette responsabilité de bien gérer leur pays. Oui, si nous nous sommes entendus que désormais on quitte la monarchie, on a une république où nous aurons des responsables du président de la République jusqu'au chef culinaire, quand ça va passer par les élections, alors observons les principes de démocratie. Non seulement entre nous, mais à l'intérieur des partis politiques que nous dirigeons. Merci, c'est ça le défi. Merci, honorable Jean de Dieu Moutabazi, pour ces conseils. Mais permettez que je passe la parole à M. Rémy Vialimana. Vu la situation, le contexte, on a parler de certains problèmes, notamment au niveau du Sénat. Qu'est-ce que vous conseillerez aux différentes parties, notamment le gouvernement, les partis politiques, pour que justement chacun agisse de son côté, mais finalement qu'on se rencontre sur un terrain politique qui est caractérisé par une certaine liberté reconnue par la loi? Je dois dire que ce dossier, il est assez délicat, beaucoup plus parce que nous n'avons les informations que celles que nous recevons ici. Donc, pardon, s'y positionner est assez délicat, mais de ce que j'ai entendu, je crois qu'il y a quelques points qui pourraient peut-être créer une certaine convergence vers une sortie honorable, et cela devrait justement être des deux côtés. Mais avant que je ne sois sur ce point, acceptez que je dise que le principe, nous l'avons dit, cette jeunesse de notre démocratie a des conséquences qu'on ne peut pas sauter. C'est notamment le fait que le parti qui est au pouvoir voulant conserver le pouvoir, le parti qui n'est pas au pouvoir voulant accéder au pouvoir, lorsque justement on est jeune et que les textes régissant ce jeu ne sont pas assez renforcés, les écarts sont possibles. Et les écarts, s'ils sont là, c'est toujours ces jeux qui ne sont pas nécessairement, qui sont en fait interprétés par l'autre camp comme étant malhonnête, injuste, partial et ainsi de suite. Alors, si ce que dit l'honorable Maïka, il a dit, et on en a rigolé, il dit, je pense que c'est parce qu'on a peur du CNR. Prenons cela comme une hypothèse. Est-ce que cela pourrait être avantageux pour le parti au pouvoir, justement pour qu'effectivement il cherche ce qui irait dans le sens de permettre à ce que cette peur soit un peu étanchée dans ce sens? Mais si cette fois-ci du côté de l'honorable Maïka, c'est après que vous sentez qu'effectivement l'étape de la tenue du congrès n'a pas respecté la procédure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'OPV, donc les réunions régionales n'ont pas eu lieu. Je me dis qu'à ce niveau, effectivement, si on reconnaît le processus tel qu'il a été, il y a lieu que le CNL reconnaisse qu'il y a eu faille à ce niveau, mais que cette fois-ci, la mesure soit ce qu'elle a été, il y a lieu aussi de s'interroger. Parce que justement, est-ce que si... Donc le minimum, c'est d'être en règle pour se prévaloir d'autres ingérences au niveau du ministère. Oui, à ce niveau. Mais si cela est constaté administrativement, on dit que l'erreur est corrigée lorsqu'on la voit. Je me dis donc, si c'est vraiment ça le problème, il faut qu'il y ait reconnaissance de cette erreur du côté du CNL. Mais que du côté du ministère, je me dis, là aussi on se dit, eh bien, quand même, comment vous reconnaissez, est-ce que vous pouvez cette fois-ci aller dans le sens qu'il faut? Mais le problème vient lorsque eux, ils disent, mais vous nous empêchez justement d'y aller. Et là, vous comprenez que c'est là où, à ce niveau où je me dis, et si le ministère dit, allez d'abord vous entendre, si besoin, cherchez des sages au sein de votre parti qui assurent la médiation. Ou même ailleurs. C'est là qu'il est. Voilà. Et là, je dis, c'est une très bonne proposition. Chez l'Ombudsman, par exemple. Mais lorsque le problème a atteint son niveau, souvent, vous demandez une chose et son contraire. Parce que s'ils pouvaient encore s'entendre sur un certain nombre de points, ils ne seraient peut-être pas allés jusqu'au ministère. Donc, vous comprenez que c'est encore à ce niveau où je me dis, côté ministère, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'ils les mettent ensemble et qu'ils leur demandent, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui n'est pas peut-être du ministère, mais bon, je ne sais pas, comme ils ont cette ouverture, pour qu'effectivement, il y ait un cadre qui puisse écouter ces gens, qu'ils acceptent, et que cette équipe soit fortifiée par le fait qu'elle émane du ministère, et la solution qu'elle donnerait pourrait être cette fois-ci acceptée des deux camps. Le danger de cette croissance de la démocratie donc se situe au niveau où s'il n'y a pas suffisamment d'ouverture et d'équité, le risque est ce que nous avons vécu, nous avons connu. C'est-à-dire que ce que nous avons vu en 93, lorsqu'il y a changement qui n'est pas justement très accepté des deux camps, la victoire peut être une surprise du côté de l'autre. Et nous le voyons se répéter en 2005. Je ne sais pas si ça va se répéter en 2025 ou 2026. 27, d'après l'honorable Malaika, est-ce qu'il y a moyen d'amoindrir le choc pour que celui qui quitte, quitte honorablement et que celui qui entre, entre honorablement? C'est ça. Nous sommes vers la fin de cette émission. Je vous donne juste une minute pour réagir sur ce que les autres ont dit du côté du ministère et puis nous reviendrons vers vous, honorable Malaika. Monsieur Théophile, est-ce que vous êtes prêt? Essayez d'éviter ce cliché pour finalement vous positionner au-dessus de tous les partis politiques et asseoir un climat politique et des libertés politiques garanties pour tous les partis politiques. Oui, merci. Comme Monsieur le ministre de l'Intérieur le dit souvent, nous ne voulons pas vraiment de dissension au sein des partis politiques. Nous voulons une sérénité au sein de tous les partis politiques. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a toujours demandé aux dirigeants du parti CNR, dans différentes réunions qui ont été organisées par le ministre, avec le président, le représentant légal du CNR, avec ses collègues, on leur a toujours demandé de se mettre ensemble pour nettoyer leur propre cuisine. Une fois nettoyé, nous n'avons aucun problème au sein du ministère. Par ailleurs, comme je l'ai dit, la difficulté aujourd'hui qu'il y a, c'est le respect des statuts et règlements de l'intérieur du parti. Toutes les décisions qui ont été prises reposent sur ce manquement qui a eu lieu au sein du parti CNR et qu'il ne conteste pas que les statuts n'ont pas été respectés dans l'organisation des congrès. Même aujourd'hui, nous le disons, si vous mettez ensemble et que vous trouvez solution aux difficultés, à la crise interne que vous avez, et que vous venez, que vous dites tout est bon, rien n'empêcherait que le parti CNR puisse retourner sur le terrain et faire les activités. Et s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord? Par ailleurs, on leur a dit, dans la correspondance qui leur a été adressée, qu'ils peuvent organiser une réunion qui est de nature à mettre fin à la situation qui prévaut au sein de son parti. L'autorisation leur sera accordée, mais aussi longtemps que la situation est ainsi, le ministère devrait prendre des décisions, car comme on le dit, qui paie et n'empêche pêche. On pressentait déjà qu'il y a péril à la demeure au sein du parti et que ça pouvait affecter les membres du parti CNR et même tous citoyens. Et ça relève de la prérogative du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Honorable Malaika, vous avez une minute pour réagir et afin de clôturer ce débat. Avant qu'il intervienne, monsieur Rémy a parlé du code électoral qui n'est pas encore actualisé. 30 secondes. Oui, je tiens à lui rassurer que le processus est en cours. Nous venons juste d'être ensemble avec les responsables des partis politiques qui ont donné leur contribution et nous saluons les apports. Aujourd'hui, l'avant-projet de loi est avancé. La société civile, est-ce qu'elle sera invitée? Bon, pas directement, mais souvenons-nous que les membres des partis, les responsables des partis font partie d'une manière ou d'une autre des associations sans but lucratif, ce qui n'empêcherait pas non plus qu'on puisse les rassembler un jour pour qu'ils puissent contribuer. En tout cas, c'est le vœu, même si ce n'est pas dit du côté de M. Rémy, d'avoir une telle séance. Le souci du ministère, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes. Les contributions sont les bienvenues parce que c'est une loi qui va régir l'ensemble des citoyens burundais. Rien n'empêcherait que les représentants des associations sans but lucratif et les représentants des confessions religieuses puissent être invités pour pouvoir donner leurs apports afin d'enrichir ce texte de loi. C'est un point quand même que vous notez quelque part. J'ai bien pris note. Je pense que cette séance pourrait avoir lieu. Voilà, honorable Malaika, une minute pour réagir et pour qu'on puisse clôturer ce débat. Bon, les autres ont parlé plus d'une minute, mais je vais essayer d'être rapide. D'abord, sur l'irrégularité du congrès, j'ai dit que les congrès ont été réguliers parce que d'abord, c'était inclusif. Et on a dit, dans quelques circonstances, on a organisé ce congrès. Rémy a dit qu'on peut peut-être essayer de voir comment corriger. Alors, le président du parti a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur, lui demandant de suspendre les sanctions, d'enlever les sanctions pour qu'il puisse aller organiser les assemblées régionales et aussi organiser un congrès extraordinaire national. Mais ils ont refusé en disant qu'il faut d'abord rencontrer celui-ci, celui-là, etc. On ne sait pas pourquoi. Je voudrais attaquer le deux poids, deux mesures qui est en train d'être exercé sur nous. On a eu des sanctions au niveau de notre parti, mais pourtant, il y a le parti au pouvoir qui organise des descentes sur le terrain. Même les jours des activités, le ministère de l'Intérieur ne dit rien. Il y a les dissidents qui descendent sur le terrain en dépit de ces mesures qu'on a prises, de ces mesures de suspension. Ils aillent à Muyinga, à Boubanza, partout ailleurs. Des fois, ils utilisent même le véhicule de l'État. Le ministère de l'Intérieur ne dit rien à propos. On entend qu'ils sont en train d'organiser un congrès. On ne sait pas comment ils vont organiser ce congrès parce que le congrès doit pas être invité par le président du parti. Alors, si c'est ce que disait Rémi, le problème se trouve au niveau du code électoral qui n'est pas encore disponible. Le problème, c'est de respecter les textes déjà qui sont disponibles, qui sont là. Si on commence à violer l'article 80 de la Constitution, et qu'on viole l'article 62, 64, et même 75 de la loi sur le parti politique, est-ce qu'on va respecter le code électoral? Alors, sur les mesures de prévention que le DG disait, même Moutawazi, la prévention ne peut être assortie de sanctions. En aucune manière. La prévention ne peut être assortie de sanctions, jamais de la vie. Merci à nos invités qui ont été présents dans cette émission Mosaïque. Aujourd'hui, il fallait parler de la situation des libertés politiques au Burundi. Nous remercions le directeur général Théophile Ndaloufatiye qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, la Sécurité publique et développement communautaire et qui est en charge des organisation non gouvernementale et promotion des libertés politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Honorable Pamphile Malaika qui représentait dans cette émission le Parti Congrès National pour la Liberté, CNL. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous disons également merci à Honorable Jean de Dieu Moutawazi qui est président du Parti Radebou et merci à Rémi Havialimana qui est représentant légal de l'association Maison Lueur des Espoir. Nous disons également merci à l'équipe technique Séraphine et Akizimana du côté de son et Jérôme Ndaishimiye qui était au service technique de la télévision. À la réalisation de cette émission Mosaïque, nous remercions Jérôme Nyonzima. Au micro, c'était Pacifique Chubahiro. Merci à vous tous qui avez tenu une oreille attentive à cette émission Mosaïque. Mosaïque.